Chapitre 4. Un jour de mardi gras, à Paris, vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, la foule était compacte sur le boulevard Saint-Martin, tout entière occupée, non à regarder passer les fiacres et les voitures remplies de gens masqués, comme on aurait pu le croire, mais à suivre attentivement de l'œil et de l'oreille les parades de quelques saltimbanques établies, eux et leurs baraques, sur un terrain vague situé entre la rue du Château d'Eau et celle du Faubourg du Temple. Cet endroit même où s'élève aujourd'hui une caserne, une dizaine de petits théâtres forains construits côte à côte se disputaient les faveurs de la foule. L'un d'eux, cependant, paraissait faire à ses voisins une redoutable concurrence. Les amateurs montaient les 5 marches de son escalier extérieur et disparaissaient 2 par 2, quelquefois 4 par 4, et presque sans interruption, derrière le rideau qui cachait bien des mystères sans doute à ceux qui n'avaient pas 15 centimes pour les pénétrer. C'était une grande baraque peinte en jaune et en vert, devant laquelle une jeune fille vêtue d'un maillot rouge et d'une jupe de velours dansait avec des castagnettes au son d'un tambour de basque et interrompait parfois sa danse et sa chanson pour débiter à la foule l'étrange annonce que voici. « Entrez, mesdames, entrez, messieurs. Vous allez voir au Penny, le grand chef indien tatoué, à qui ses ennemis ont coupé la langue et crevé les yeux. Entrez, messieurs, entrez, mesdames. Cela ne coûte que 15 centimes et mérite certainement d'être vu. » La jeune fille reprenait ses castagnettes, dansait un boléro, retombait, après une merveilleuse pirouette, sur ses 2 pieds, et continuant ses termes, « Entrez, mesdames et messieurs, au Penny est un homme sauvage des terres australes dont je vais vous dire l'histoire sur l'air des musiciens de son pays. » Alors la jeune bohémienne arrachait le tambour de basque des mains du saltimbanque vêtu de bleu et de jaune comme la baraque, et qui jusque-là l'avait accompagné. Puis, promenant ses doigts lentement sur le chagrin du tambour, elle chantait ou plutôt déclamait les paroles bizarres que voici. « Au Penny est un grand chef, vaillant au combat, prudent au conseil, comme le serpent bleu son ancêtre. Au Penny est monté la lune dernière dans sa pirogue avec 30 de ses guerriers, et il est parti pour l'île de Nabakiba, où règne son mortel ennemi, le grand vautour. Cependant, ce n'est point le royaume de Nabakiba que Au Penny convoite, ce n'est pas le collier de perles que le grand vautour porte à son cou. » Ici, la jeune bohémienne jugeait convenable de s'interrompre et disait en se remettant à danser « Entrez, mesdames, entrez, messieurs, on vous dira la fin de l'histoire à l'intérieur du théâtre, en présence du chef Au Penny. » Et la foule entrait et sortait, un quart d'heure après, convaincue qu'elle avait vu un chef sauvage des races australiennes, un peau jaune du Pacifique. Or, parmi les spectateurs qui demeurèrent dehors, étattaient gravement et tour à tour leur curiosité et leur gousset, un jeune homme fort bien mis, ganté de lilas et le plus rose aux lèvres, après s'être approché d'abord dans l'unique but de lorgner la jeune saltimbanque qu'il trouvait jolie, s'était pris tout à coup à écouter sa parade avec une certaine attention. Puis, comme la jeune fille annonçait que la suite de l'histoire du chef australien Au Penny ne serait contée qu'à l'intérieur de la baraque, il prit bravement son parti, monta les 5 marches et jeta 5 francs dans le bonnet de l'homme qui remplissait à la porte les fonctions de contrôleur. « Votre monnaie, monsieur !» lui cria le saltimbanque. Le jeune homme entra sans paraître avoir entendu et il pénétra dans le théâtre forain. À l'intérieur, la baraque formait une grande salle garnie de bancs, au centre de laquelle on avait laissé un espace libre protégé par une galerie en bois à hauteur d'appui. C'était là l'extrême limite que les spectateurs ne pouvaient franchir. Au milieu de cet espace se trouvait une sorte de trône garni de vieux velours éraillés et de paillettes de cuivre qui, à 3 pas de distance, scintillaient comme des paillettes d'or. Sur ce trône était Au Penny, la tête couronnée de plumes de coq et de perroquet réunies en forme de diadème, vêtue d'un pagne jaune, les jambes et le torse nus et les épaules dérisoirement couvertes d'un arc et d'un carquois. Un cri d'horreur échappait ordinairement à chaque spectateur, tant le visage du chef australien était quelque chose de hideux et d'épouvantable. Qu'on s'imagine un visage couvert de tatouages bleus, rouges, verts, livides, des yeux fermés à moitié, derrière les paupières tuméfiées, desquelles semblait glisser un dernier rayon de vue, une bouche dont la lèvre supérieure était percée verticalement au-dessous du nez et garnie d'un anneau de cuivre. dont le nez et les oreilles portaient également des bagues ou des amulettes. Openi se tenait immobile dans l'attitude d'un homme à qui tout est désormais indifférent, et qui ne sait même pas qu'il est l'objet de l'attention universelle. Derrière lui, le maître de la baraque reprenait l'histoire du chef australien, juste à l'endroit où l'avait laissé la jeune fille, et il expliquait à son public comme quoi Openi, étant devenu amoureux de la femme du grand vautour, son ennemi, avait essayé de la lui ravir. Mais alors Openi était tombé au pouvoir du grand vautour, qui lui avait coupé la langue, crevé un œil, car de l'autre il y voyait encore un peu, tout juste ce qu'il fallait pour se conduire, un bâton à la main, et l'avait ensuite vendu à un capitaine marin anglais, lequel l'avait amené en Europe. Or, le jeune homme au grand lilas, qui s'était laissé séduire par la parade de la jolie bohémienne, après avoir éprouvé, comme tout le monde, un premier sentiment de répulsion à la vue de cette horrible figure, s'était pris ensuite à la considérer avec une tenace attention. On eût dit qu'il cherchait, au milieu de ses ravages, à reconstituer dans son esprit les traits primitifs du chef australien. Cet examen dura pour lui plus d'une heure. Il semblait attendre que le chef fît un mouvement ou essayât d'articuler un son. Mais Openi demeurait impassible. Enfin, l'élégant jeune homme, qui ne s'était point aperçu que les spectateurs n'avaient cessé de se succéder depuis une heure, et que le propriétaire du monarque vaincu recommençait pour la 20e fois sa légende, se décida à faire un signe au saltimbanque afin d'attirer son attention. Le saltimbanque, peu habitué à voir des gants à son public ordinaire, s'arrêta tout court, regarda le jeune homme avec une sorte d'orgueil mélangé de reconnaissance, et à tout hasard lui dit « Je suis à vos ordres, monsieur le comte. » « Je ne suis pas comte, » répondit le jeune homme à haute voix. « Je veux simplement vous faire une question. » En parlant ainsi, son regard ne quittait point le visage du chef australien, et lui sembla que, tandis qu'il parlait, ce visage avait éprouvé un léger tressaillement. « J'écoute, monsieur le... » Le saltimbanque hésita. Mais un homme convaincu que son spectateur extraordinaire devait porter un titre. « Monsieur le marquis, » dit simplement le jeune homme au grand lilas. « J'écoute, monsieur le marquis. » répondit le saltimbanque. Votre chef sauvage entend-il les langues européennes? Il entend l'anglais. Très bien. Et le jeune homme, peu soucieux du mouvement de curiosité qui se produisit autour de lui parmi le reste des spectateurs, adressa en anglais la parole au chef australien. Seigneur Openi, lui dit-il, vous plairait-il de me dire à bord de quel navire vous êtes venu en Europe? Étiez-vous sur le Fulton, la Persévérance ou le Fowler? À ce dernier mot, Openi tressaillit vivement, fit un brusque mouvement sur son trône et le saltimbanque s'écria « Vous le voyez, mesdames et messieurs, Openi comprend l'anglais. Et s'il avait encore sa langue, il aurait répondu à monsieur le marquis. » Mais monsieur le marquis n'avait point attendu l'exclamation du saltimbanque, il s'était esquivé hors de la baraque. Le jeune homme au grand lilas se pencha en sortant près de l'oreille de la bohémienne. « Ma chère enfant, voulez-vous gagner 10 louis ?» « Oui, monsieur, » fit-elle éblouie, « que faut-il faire ? Où demeurez-vous ? Là, monsieur, je suis la femme du paillasse, » répondit-elle ingénument en montrant le théâtre forain. « Nous gardons Openi la nuit, tandis que le maître va coucher en ville. Il a une chambre à la grande villette. À quelle heure fermez-vous ? À minuit. Très bien. Si à 2 heures du matin je frappe à la porte de votre baraque, vous, le paillasse, votre mari, m'ouvrirez-vous ? Oui. » répondit la bohémienne étonnée. Le jeune homme laissa tomber un louis sur le tambour de basque et fendit la foule, scandalisée de cette séduction en plein vent. La bohémienne, oubliant un peu sa parade, le vit s'éloigner, traverser le trottoir et monter dans un élégant phaéton attelé d'un cheval anglais que gardait un joli groom, haut de 3 pieds et demi et vêtu de bleu. « Voilà bien ses fils de famille !» s'écria dans la foule une grosse femme sur le retour. « C'est effronté comme des valets de guillotine, cela veut corrompre la jeunesse en plein soleil. »« Taisez donc votre bec, la vieille !» riposta le paillasse du haut de ses tréteaux. « Vous troublez le spectacle. Allons, la musique !» Et le mari philosophe reprit le tambour de basque des mains de sa folâtre moitié, qui continua tranquillement sa parade. À 2 heures du matin, en dépit des bals masqués que donnaient les théâtres voisins de la gaieté et de l'ambigu, le boulevard était à peu près désert en cet endroit, où, dans la journée, les baraques des saltimbanques avaient constamment attiré la foule. Un coupé s'arrêta juste en face de celle où l'on montrait le chef australien Openi. Un jeune homme, enveloppé dans son paletot, le menton enfoui dans un vaste cache-nez, descendit de la voiture, marcha droit à la baraque, qui était hermétiquement fermée, mais à travers les fentes de laquelle glissait un faible rayon de clarté, grabit les 5 marches et frappa doucement à la porte. « Qui est là ?» demanda à l'intérieur la voix jeune et fraîche de la bohémienne. « Celui que vous attendez, » répondit le jeune homme. La porte s'ouvrit et le jeune homme entra. La salle de spectacle avait été convertie en dortoir. Le jeune homme vit la bohémienne assise, les jambes pliées sous elle, sur une sorte de gravat qui affichait la prétention d'être le lit conjugal du paillasse et de sa jeune et séduisante moitié. Puis, un peu plus loin, à l'autre extrémité de la salle, il aperçut, à la lueur d'une chandelle placée sur une table encore couverte des restes d'un maigre souper, le chef australien au penny qui dormait sur une botte de paille recouverte d'une méchante couverture. Quant au paillasse, il était absent. « Mon mari est allé reconduire le maître, qui était un peu casquette, » dit la bohémienne avec un grand calme. « Ma chère enfant, » dit le jeune homme en fermant la porte, « laissez-moi vous dire d'abord que, bien que vous soyez jolie à croquer, ce n'est pas précisément dans l'intention de vous le dire que je suis venue ici. » La bohémienne fit une petite moue de circonstance. Le jeune homme tira 10 louis de sa poche et les aligna sur la table avec la dextérité d'un croupier de roulette. « Voilà d'abord ce que je vous ai promis, » dit-il. « Maintenant, causons. Je désire avoir quelques renseignements sur votre sauvage. »« Ah, monsieur, » dit la bohémienne, de plus en plus étonnée de la tournure que prenait ce rendez-vous. « Je ne sais guère sur ce Morico que ce que vous m'avez entendu dire au public. Il n'y a pas longtemps que nous sommes Fanfreluche chez moi au service de monsieur Bobino. »« Qu'est-ce que Fanfreluche et qu'est-ce que Bobino ?» demanda le jeune homme avec sang-froid. « Fanfreluche, c'est le paillasse, mon mari, et Bobino, c'est le patron. À merveille. Fanfreluche et moi, nous étions Hercule et nous dansions sur la corde. Mais le métier ne vaut plus rien, et on ne dîne pas tous les jours. Alors, il y a 3 mois, à Boulogne, nous avons rencontré M. Bobino qui venait de Londres avec son sauvage et nous a pris avec lui. Il nous donne 20 francs par mois chacun et nous entretient. « C'est peu, » fit le jeune homme. « Ainsi, vous ne savez pas où a été acheté ce sauvage ?»« À Londres, je crois. Mais M. Bobino est un homme qui ne dit jamais rien. »« Écoutez donc, mon enfant. Si on vous donnait 1000 francs pour laisser emmener le sauvage, accepteriez-vous »« 1000 francs ?» s'écria la bohémienne étourdie. « Ah, je suis bien sûr que Fanfreluche vous donnerait M. Bobino et sa baraque par-dessus le marché. »« Eh bien, » reprit le jeune homme, qui ouvrit son portefeuille et en retira 2 billets de 500 francs, « Je vais l'éveiller et lui demander s'il veut venir avec moi. »« Mais, monsieur, » s'écria la jeune femme au comble de la joie et de la stupeur, « qu'en voulez-vous faire, mon Dieu ? Vous n'avez pourtant pas l'air d'un homme qui fait métier de montrer ses horreurs. »« C'est ce qui vous trompe, » répondit le jeune homme. « Je suis directeur du cirque impérial de Saint-Pétersbourg. » Il se dirigeait vers le grabat où dormait le chef sauvage. « À propos, » dit-il en se retournant vers la bohémienne, « savez-vous l'anglais ? Non, monsieur. » Il frappa sur l'épaule de Penny et l'éveilla. « Monsieur le marquis de Chamery, dit-il, désire présenter ses hommages respectueux à l'infortuné baronesse Sir Williams. » À ce nom, Penny bondit sur son gravat et se dressa comme s'il eût été agité par un fil électrique. Le visage et l'attitude de Penny eurent alors quelque chose d'effrayant à voir. Au son de cette voix, à ce nom qui sans doute, depuis longtemps, n'avait résonné à son oreille, le prétendu chef australien éprouva une de ces commotions terribles que nul ne saurait traduire. Il essaya de parler et ne parvint qu'à laisser échapper un sourd hurlement. L'œil qui, chez lui, y voyait faiblement encore, concentra toutes ses facultés et darda son rayon à demi éteint sur l'homme qui venait de l'éveiller ainsi. « Allons, mon pauvre vieux, » dit le marquis de Chamery, « rassieds-toi donc, je vois que tu me reconnais, et nous allons causer à notre aise. » Et il appuya une de ses mains sur l'épaule du sauvage et le força à s'asseoir sur son grabat. Après quoi, celui qui s'intitulait ainsi le marquis de Chamery retourna près de la bohémienne, dont l'étonnement, si grand déjà, s'était encore accru en voyant le sauvage au penny dresser l'oreille aux paroles du jeune homme, comme un vieux destrier de bataille, devenu cheval de charrue, se relève et hennit au son lointain du clairon. « Ma petite, » lui dit-il, « vous m'avez affirmé que vous ne saviez pas l'anglais. Oui, monsieur. Croyez-vous à quelque chose ? Je crois à Dieu. Eh bien, levez la main et jurez-moi que vous avez dit vrai. Je le jure. » dit la bohémienne avec un accent de franchise auquel il était réellement impossible de se méprendre. « Votre mari non plus. Mon mari pas plus que moi. » Le marquis de Chamery retourna auprès de l'homme tatoué et lui dit, toujours en anglais, « Sois calme, mon vieux, je suis ton ami, et je vois bien que tu as reconnu ton petit rocambole, celui qui t'appelait mon oncle. Et puisqu'on t'a rogné ta parlotte, je ferai les demandes et les réponses. » Le sauvage continuait à s'agiter sur sa botte de paille, mais son horrible visage semblait avoir pris subitement une expression de joie farouche. Le marquis continua. « Je t'ai pleuré pendant 5 années, mon pauvre vieux, et je m'étais bien figuré, ma parole d'honneur, que les sauvages t'avaient mis à la broche. Mais je vois qu'ils se sont contentés de te tatouer, opération qui, réunie à celle que t'avait fait subir cette excellente baccarat. » Le marquis s'arrêta et voulut juger de l'effet que ce nom produirait sur l'homme tatoué. Celui-ci se prit à frissonner, et un rugissement de fureur s'échappa de ses lèvres crispées. « Bien, très bien, » murmura le jeune homme. « Je vois qu'ils ne t'ont pas trop abruti, et qu'il reste encore chez toi quelque chose de Sir Williams. Très bien, très bien. » Et il passa de nouveau sa main sur l'épaule de Penny d'un air caressant. « Le fait est, mon oncle, » poursuivit-il, « que tu n'es plus le séduisant vicomte Andrea, le joli baronnet Sir Williams, l'homme dont les belles filles raffolaient. Les sauvages et baccarat t'ont si bien défiguré qu'il a fallu mes entrailles filiales pour te reconnaître. Ah, c'est une drôle d'histoire, celle-là. Et parole d'honneur, cela ferait croire à la providence dont nous nous moquions si fort autrefois. » Le marquis de Chamery, ou plutôt Rocambole, car c'était lui, s'assit familièrement sur le gravat de Hopény et continua. « Figure-toi que, dans la journée, je passais un Tilbury sur le boulevard, regardant à droite et à gauche. Une belle fille, ma foi, celle qui te garde, m'a tiré l'œil. Tu sais que je suis toujours un peu folâtre. » Et Rocambole souligna le mot par un clignement d'yeux. « Je me suis approché, » reprit-il. La belle fille racontait ton histoire à sa manière. « Cette histoire m'a intrigué. Bon, je me suis dit, il faut que je vois comment ils sont, ces affreux sauvages de l'Australie, qui m'ont mangé tout rôti, mon pauvre oncle Sir Williams. Et je suis entré, et je t'ai reconnu. » Une fois de plus, Rocambole frappa sur l'épaule du chef australien d'une façon amicale. Tu comprends bien qu'alors, mon oncle, je me suis dit tout de suite que le marquis de Chamery ne pouvait laisser son parent, son bienfaiteur, l'homme à qui il doit tout, dans la position misérable où je te trouve. Ce nom de Chamery paraissait produire sur l'affreux visage de l'homme tatoué une impression identique à celle que produit un souvenir à demi effacé et qu'un seul mot évoque tout à coup. Rocambole devina sa pensée. « Ah ! Dit-il, cela t'étonne de me voir marquis de Chamery. C'est un nom qui t'est bien connu, n'est-ce pas ? Il était sur tes tablettes. » À ces mots, le sauvage parut tressaillir. « On te comptera tout cela, mon vieux, mais pour le moment, soyons sérieux et dépêchons-nous. » Hopény continuait à fixer sur Rocambole son œil à demi éteint avec une sorte de ténacité. « Voyons, reprit celui-ci, je suppose que tu ne tiens pas beaucoup à rester ici. » « Non, fit le sauvage d'un signe de tête où semblaient se révéler les horribles souffrances qu'il avait éprouvées en compagnie des saltimbanques. « Et tu préfères encore venir avec moi, qui te soignerait comme un coq en pâte, n'est-ce pas ?»« Oui, fit le sauvage d'un nouveau signe de tête. « Eh bien, « allons-nous-en tout de suite. Ton maître pourra bien revenir, et il faudrait parlementer encore. » Et Rocambole, s'adressant à la bohémienne, lui dit « Tu as bien un manteau à me vendre, n'est-ce pas, ma petite ?» Elle jeta un 11e louis sur la table. « Voilà celui de Franfreluche, monsieur. Il n'est pas neuf, comme vous voyez. »« Bon, » fit Rocambole, « à la campagne. » Il le plaça sur les épaules de Hopény, qui se laissa envelopper avec la docilité d'un enfant. Puis avisant dans un coin la coiffure de plumes du pauvre phénomène, il la lui mit sur la tête avec le soin que prendrait une camérière à coiffer sa maîtresse. « C'est mardi gras, mon vieux, » continua-t-il en anglais, « et pour aujourd'hui tu peux sortir sous ce costume. On va te prendre pour le Californien du bal de l'Opéra. » Alors le prétendu marquis de Chamery roula les 2 billets de 500 francs dans ses doigts et les laissa tomber délicatement dans la main de l'épouse illégitime du paillasse Fanfreluche. « Adieu, petite, » lui dit-il. « Si nous ne revoyons jamais, je renouvellerai volontiers connaissance avec toi. » La bohémienne ouvrit la porte de la baraque. « Allons, viens, mon oncle, » dit Rocambole, qui prit Hopény par le bras, l'entraîna hors du théâtre forain, lui fit traverser le trottoir et le conduisit à son coupé. Le cocher descendit de son siège, ouvrit la portière et demanda « Où va, monsieur le marquis ?»« Rue de Suresnes, » répondit Rocambole. Le coupé partit.